Deuxièmement, justice seigneuriale. Personne n'ignore la distinction des justices seigneuriales en basse, moyenne et haute. En ce qui concerne les deux premières classes de justice, un mot seulement. Les basses justices connaissent au civil d'affaires personnelles et réelles jusqu'à 60 sols, 3 livres. Aux criminels, elles prononcent une amende de 10 sols au plus. Elles ne peuvent emprisonner, elles doivent renvoyer à la haute justice ce qui excède leurs compétences. Les moyennes justices jugent les affaires personnelles et réelles sans fixation de valeur. Elles jugent les délits passibles d'une amende de 3 livres au plus. Elles peuvent informer sur délits plus graves et crimes en faisant arrêter l'inculpé, mais ne peuvent le retenir plus de 24 heures et doivent le renvoyer au haut justicier. Voilà quelles étaient la plupart des justices seigneuriales comprises dans la châtellenie. Parlons maintenant des hautes justices. Les appels des basses et moyennes justices vont à la haute justice. Le seigneur haut justicier à la haute, moyenne et basse justice, c'est-à-dire le droit de nommer des juges qui prononceront au civil sur toutes causes personnelles et réelles entre les vassaux, et aux criminels connaîtront de tous crimes et délits sauf les cas royaux. Et depuis l'ordonnance de 1670, les cas prévôtaux ou présidiaux. Ces juges peuvent prononcer toute peine, même la mort. Sera-t-on curieux de savoir quel était le nombre de ces justices en Bretagne? Voici sur cette question les seules indications que je puisse fournir. En 1711, un document de l'intendance en signale 3905. D'un autre document de même source, daté de 1766, on peut déduire le chiffre de 2922. Auger, écrivant en 1775, en compte 2326. En une telle question, est-il permis de chercher dans la moyenne un chiffre approximatif? La moyenne de ces trois nombres donne 3035, soit en chiffres ronds 3000. Il y a en Bretagne 1700 paroisses ou trèves. Il y aurait donc eu moins de 3 justices pour 2 paroisses. C'est peu. Toutefois, l'auteur contemporain d'un savant livre sur les justices seigneuriales de Bretagne a réduit le nombre de ces justices à 2500 à la veille de la Révolution. Autre question est le nombre des hautes justices. Ici, nous n'avons qu'un chiffre officiel, celui de l'enquête de 1766. Elle donne pour 31 subdélégations à peu près la moitié de la Bretagne, 788 hautes justices. Si nous doublons ce chiffre, nous avons pour la Bretagne entière 1576 hautes justices, compte quelque peu hypothétique. Mais laissons là ces généralités et ces conjectures et revenons à Concarneau. Combien de justices étaient comprises sous cette juridiction? La subdélégation de Concarneau figure dans l'enquête de 1766, mais ce document ne fournit qu'un chiffre, 12 pour les hautes justices, rien des moyennes et basses. Cherchons ailleurs. Une montre du banc et de l'arrière-banc de Cornouailles de 1481 mentionne environ 80 nobles ou tenants fiefs nobles, c'est-à-dire roturiers possédant fiefs nobles et à ce titre astreints au service de guerre. Du chiffre de ces 80 fiefs nobles, nous pouvons conclure à peu près le même nombre de justices. Ajoutons que dans 20 des paroisses ou trèves composant la châtellenie, Auger nomme 71 maisons nobles. Il n'en indique pas une seule dans les 3 autres. Nul doute qu'il n'en ait omis plusieurs. On le voit, le chiffre d'Auger se rapproche sensiblement du chiffre 80. Ce nombre peut donc marquer approximativement le nombre des justices. Cela dit, nous devrons nous borner à rechercher les noms des seigneuries ayant eu haute justice. Combien la châtellenie comprenait-elle de haute justice? C'est ce que je ne puis dire avec une certitude absolue. Après beaucoup de recherches, j'ai trouvé pour le XVIIIe siècle 18 hautes justices dépendant du siège de Concarneau. Je vais en donner les noms. Entre ces 18 hauts justiciers, 8 sont à distinguer à raison des titres particuliers qui leur appartiennent. Premièrement, 5 sont dits sergents féodés. On dit quelquefois fiefé, du duc, originairement. C'est-à-dire qu'ils sont tenus envers le duc et les juges ducaux à certains devoirs dont la jouissance d'un fief est le gage, la rémunération, avec certaines prérogatives, dont la principale était la haute justice. Les sergents féodés faisaient auprès du duc un service d'honneur, la verge de sergent en main. Ils étaient appelés à l'ouverture des états. Leur absence, sauf excuse, était punie de la confiscation du gage. En dehors de ce service d'apparat, ils faisaient auprès des cours ducales office de sergents ordinaires. Par exemple, par leur commis, ils donnaient les ajournements au nom des sujets. Et cet acte était fait gratuitement, puisqu'il était payé d'avance par la jouissance du gage. Nous leur verrons d'autres devoirs en procédure criminelle. Les cinq sergenteries féodées étaient chef du bois Tominec, Lanriec, Minévin, Besekong, le Plessix, Fouénan, le Quinquis, en Fouénan, Rohantec, Élian, Rosanceau, Sker. Deuxièmement, huit hauts justiciers ont un privilège particulier, dit au dernier siècle le droit de mener à la cour. C'est pour chacun d'eux la faculté de faire expédier par la cour les affaires concernant leurs vassaux. Ces affaires viennent aux audiences ordinaires après les affaires citées par les sergents royaux. Mais l'ordre des seigneurs ménéants est réglé. Ils sont premier, deuxième, troisième ménéants. Nous avons vu plus haut une affaire civile de 5 sous, de 2 liards, pouvant être jugée successivement 4 fois. J'ai fait remarquer que ce n'était pas compté tous les degrés de juridiction par lesquels l'affaire de 5 sols pouvait passer. En effet, le jurisconsulte que je citais prend comme exemple une affaire jugée en première instance par le siège ducal, par exemple celui de Concarneau. Supposez l'affaire, c'est le cas le plus ordinaire, jugée en basse ou moyenne justice. Elle viendra en appel à la haute justice avant d'être soumise en appel encore au juge ducal. Elle aura donc été jugée 2 fois avant de lui venir. Le seigneur, en exerçant son droit de mener, pouvait amener l'affaire droit au juge ducal. Ainsi, comme la sergenterie féodée, le droit de mener était utile aux vassaux du ménéant. Les seigneurs ménéants de Concarneau sont les 5 sergents féodés, plus les seigneurs de Coatcon, Besekong, Coatcanton, Melvin et Kergounous, Tréguin. Troisièmement, sergent voyer. Je trouve 2 des hauts justiciers ayant le titre de voyer ou sergent voyer. Ce sont le seigneur de chef du bois Tominec et celui de Coatcon. Il faut remplacer ce titre par celui que les jurisconsultes emploient d'ordinaire, seigneur voyer. Le titre de sergent leur attribue apparemment les mêmes devoirs et les mêmes droits qu'à l'officier nommé voyer, commis pour avoir soin des rues et chemins, chargé de donner les alignements, d'empêcher les usurpations et d'exiger le droit de péage pour l'entretien des chemins. Enfin, pour compléter la liste des 18 hautes justices, il me reste en nommer 10, dont les seigneurs ne sont ni sergents féodés ni ménéants, ni sergents voyers. Les voici. Le Hénan, Nison, Guarlotte, Melvin, Kervegen, Trévalotte, Sker, Qualorette, idem, Tréana et Botpaderne, Élian, Mur-en-Vez, Guérinen, Saint-Évarzec, Chef Fontaine ou La Fontaine, Cloire, Locaman, Fouénan, Moreau, Lanriec. Nous l'avons dit plus haut, de même que le juge ducal, le juge du haut justicier, condamné même à mort, jugeant sans appel. Comme le juge ducal, avant de prononcer une sentence de mort, il devait appeler à lui ceux qui savent les droits et les coutumes. Mais où trouvera-t-il ses utiles auxiliaires? Il ne peut s'adresser qu'aux hommes de loi exerçant dans sa juridiction. Quels sont-ils? Avocats à la cour, demeurant d'ordinaire loin de son siège, procureurs du siège et peut-être notaires. Quoi qu'il en soit, un jurisconsulte a pu écrire « Le juge du haut justicier, appelant à soi des postulants de sa juridiction pour assesseur, condamnait le matin et faisait pendre la relevée. Ce qui veut dire qu'après la condamnation prononcée à l'audience du matin, juge, procureur fiscal, sergent allaient dîner et que, à l'heure de l'audience de relevée, ils se retrouvaient pour conduire le condamné au supplice. Cette procédure expéditive a-t-elle toujours répondu à la pensée des religieux auteurs de notre très ancienne coutume? L'ordonnance d'août 1670 coupa court à cette vieille pratique en ordonnant aux procureurs fiscaux de relever appel au Parlement de toutes les condamnations par eux requises. C'était dire que pas une condamnation ne serait exécutée avant d'avoir été confirmée en Parlement. C'est pourquoi, pour le dire tout de suite, l'ordonnance a pu permettre au Parlement de faire exécuter les sentences confirmées, mais à titre d'exception et pour des considérations particulières. Cette disposition nouvelle allait produire une conséquence imprévue. C'est que nombre de hautes justices vont cesser de juger aux criminels. Et la raison de ce fait est bien simple. Par l'appel de droit, le haut justicier est contraint de faire conduire le condamné devant le Parlement à Rennes. Et outre la responsabilité qu'il encourt, il est chargé des frais du voyage et de la nourriture dans la prison. Dans ces conditions nouvelles, les hauts justiciers feront juger le moins possible. Que le juge royal se saisisse d'une affaire, ils le laisseront faire, heureux de s'en débarrasser. Et les fonctions de la haute justice glisseront ainsi des mains du haut justicier qui ne les retient pas aux mains du juge royal impatiente de s'en saisir. Il n'y avait là que demi-mal. Mais une autre hypothèse se présentait. Le juge royal a ignoré le délit ou le crime. Le juge seigneurial l'a su et n'agit pas à cause des frais à faire. La charge des frais ne sera-t-elle pas un motif de favoriser l'impunité ? Voilà le danger que le pouvoir royal craint ou peut-être reconnaît et auquel il va remédier. Par ordonnance de mars 1772, le roi Louis XV met à la charge de l'État la plupart des frais de l'instruction et en appelle tous les frais de transport, de renvoi et d'exécution. Ajoutons que les présidiaux ne manquent pas de prononcer la suppression des hautes justices inoccupées. Mais la haute justice s'exercera encore au civil. Elle existera en droit, les hauts justiciers seront ainsi libérés de l'exercice de la justice criminelle devenue trop onéreux. Ils garderont l'honneur ancien sans les charges nouvelles. Dans leurs aveux, ils réclameront la haute justice avec ses marques publiques, notamment les fourches patibulaires. J'ai parlé plus haut du gibet ou fourche patibulaire du prince. Il faut ajouter quelques mots des fourches patibulaires des seigneurs. Pour élever des patibulaires, il fallait l'expresse concession du souverain. Anciennement, ce droit fut très rare, mais plus tard il se multiplia, si bien qu'on a pu écrire que les hauts justiciers ont droit d'avoir des patibulaires. Ce changement s'explique ainsi. Les juges du duc estimaient à honneur et privilège le soin de faire exécuter les condamnés des juges seigneuriaux. Plus tard, ils se refusèrent à cet office. L'exécution revenait donc aux seigneurs, mais elle devait se faire dans leur fief, et elle comprenait deux actes, pendre et exposer. On ne pouvait exposer en ville, donc les patibulaires devenaient nécessaires, et c'est ainsi que le duc fut amené à les accorder à tous les hauts justiciers. L'acte de concession fixait le nombre des poteaux ou piliers, d'ordinaire deux pour les simples seigneuries. Les seigneurs qui se prétendaient des 9 barons de Bretagne en réclamaient 6, nombre maximum. L'addition d'un pilier à ceux existants déjà était une faveur enviée. J'ai parlé plus haut de l'exécution des condamnations prononcées par les juges ducaux. Disons à ce propos que les sergents féodés assistaient les juges, non seulement à l'audience, mais quand ils conduisaient les patients au supplice. Il semble toutefois qu'à Concarneau, ce devoir regardait surtout le seigneur de chef du bois, Tominec. Nous l'avons vu gardien des clés de la prison et fournissant le geôlier. Un acte nous apprend que pour la pendaison, il devait fournir des gens et des cordes, et conduire le condamné jusqu'au bateau et le faire traverser l'eau jusqu'à la pierre dite Menarlaer quand l'exécution se faisait au patibulaire. Les seigneurs sergents féodés ne se refusaient pas à ces services tant les ministères de la justice étaient réputés glorieux, mais le goût des honneurs changea. Des sergents féodés renoncèrent à leurs gages pour ne pas rendre ces services qui plus tard ne furent plus demandés. Le marquis de Tinténiac qui, en 1766, devint acquéreur de chef du bois et ainsi sergent féodé de Concarneau, n'avait pas à craindre que ce service lui fût jamais réclamé. Je ne vais pas, cela m'entraînerait trop loin, donner quelques indications sur toutes ces hautes justices, mais je ne puis omettre quelques mots sur Moreau. Moreau avait été acquis, avec autres terres voisines, par l'illustre Duquesne, le 21 janvier 1651. Il s'y fixa et y demeura environ 10 ans. En janvier 1682, il obtint de Louis XIV la haute justice pour Moreau, à la condition qu'il n'y sera fait aucun exercice de la religion prétendue réformée. C'est, lui est-il écrit, une des menues satisfactions dont le roi peut payer ses victoires tant qu'il sera à Genève. Il pourrait prétendre à toutes les grâces, c'est-à-dire au titre d'amiral, mais lui-même y mettait obstacle par son attachement au calvinisme. Après la mort de Duquesne, en 1688, Moreau et les terres annexées passèrent à son quatrième fils qui avait abjuré et qui mourut en 1741. En 1728, il avait vendu le Moreau à N. le Perrier de Salvaire, et c'est cet acquéreur ou son héritier qui eut l'honneur de recevoir en 1747 le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne. Les justices seigneuriales avaient fait leur temps. La plupart des bailliages en demandaient la suppression. L'Assemblée nationale la prononça par décret des 4-11 août 1789. Mais l'Assemblée n'entendait pas suspendre le cours de la justice. Elle déclara que les officiers des justices continueraient leurs fonctions jusqu'à l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire. Un an plus tard, un décret du 16 août 1790 y pourvu en créant les juges de paix en chaque canton, et un tribunal composé de 5 juges, au moins, dans les 530, environ, districts de France. Il fallait du temps aux électeurs pour choisir cette armée de juges, et beaucoup de juges seigneuriaux siégèrent jusqu'au premier mois de 1791. Au lieu de son sénéchal royal, Concarneau, devenu chef-lieu de canton, eut un juge de paix et des prud'hommes, assesseur du juge de paix, élu pour rendre la justice au nom du roi.